la guerre fait rage. Ruste et cruel, c'est notre cage. Les caisses tombent, le combat éclate. Raiders qui veillent, la nuit éclate. Les ennemis chargent, les balles fusent. Le loot est chaud, personne ne refuse. Le chasse enflamme, la tension monte. Dans ce stream dur, la guerre affronte. Hey, hey, hey. Sur le front, prépare-toi. Recette brutale, c'est la loi. Le loot est roi, la guerre déchaînée. Riders qui emmène, prêt à tout briser. Les balles volent, la base se tremble. Le chaos règne, la nuit est sombre. Les viewers vibrent, la rage explose. Rouste et sauvage, la guerre impose. Sur le front, prépare-toi. Rouste et brutal, c'est la loi. Le loot est roi. Les cris retentissent, la guerre réclame. Le sol tremble, le combat éclate. Raiders qui lutte, jamais ne rate. Le temps s'arrête, la pression grimpe. Raiders qui frappe, rien ne s'arrête. Yo, yum!